Germinal, quatrième partie, chapitre 6. Jeanlin, guéri, marchait à présent. Mais ses jambes étaient si mal recollées qu'il boitait de la droite et de la gauche. Et il fallait le voir filer d'un train de canard, courant aussi fort qu'autrefois, avec son adresse de bête malfaisante et voleuse. Ce soir-là, au crépuscule, sur la route de Réquillart, Jeanlin, accompagné de ses inséparables, Bébert et Lydie, faisait le guet. Il s'était embusqué dans un terrain vague, derrière une palissade, en face d'une épicerie borgne, plantée de travers à l'encoignure d'un sentier. Une vieille femme, presque aveugle, y étalait trois ou quatre sacs de lentilles et de haricots noirs de poussière. Et c'était une antique morue sèche, pendue à la porte, chinée de chure de mouche, qu'il couvait de ses yeux minces. Déjà deux fois, il avait lancé Bébert pour aller la décrocher. Mais chaque fois, du monde avait paru au coude du chemin. Toujours des gêneurs, on ne pouvait pas faire ses affaires. Un monsieur à cheval déboucha, et les enfants s'aplatirent au pied de la palissade en reconnaissant monsieur Hennebeau. Souvent on le voyait ainsi par les routes, depuis la grève, voyageant seul au milieu des corons révoltés, mettant un courage tranquille à s'assurer en personne de l'état du pays. Et jamais une pierre n'avait sifflé à ses oreilles. Il ne rencontrait que des hommes silencieux et lents à le saluer. Il tombait le plus souvent sur des amoureux qui se moquaient de la politique et se bourraient de plaisir dans les coins. Au trot de sa jument, la tête droite pour ne déranger personne, il passait, tandis que son cœur se gonflait d'un besoin inassouvi à travers cette goinfrerie des amours libres. Il aperçut parfaitement les galopins, les petits sur la petite, en tas, jusqu'aux marmots qui déjà s'égayaient à frotter leur misère. Ses yeux s'étaient mouillés. Il disparut, raide sur la selle, militairement boutonné dans sa redingote. « Foutu sort !» dit Jeanlin. « Ça ne finira pas. Vas-y, Bébert, tire sur la queue !» Mais deux hommes, de nouveau, arrivaient, et l'enfant étouffa un juron quand il entendit la voix de son frère Zacharie en train de raconter à Mouquet comment il avait découvert une pièce de 40 sous cousue dans une jupe de sa femme. Tous deux ricanaient d'aise en se tapant sur les épaules. Mouquet eut l'idée d'une grande partie de crosse pour le lendemain. On partirait à 2 heures de l'avantage. On irait du côté de Montoire, près de Marchienne. Zacharie accepta. Qu'est-ce qu'on avait à les embêter avec la grève? Autant rigoler, puisqu'on ne fichait rien. Et ils tournaient le coin de la route lorsqu'Étienne, qui venait du canal, les arrêta et se mit à causer. Est-ce qu'ils vont coucher ici? Reprit Jeanlin exaspéré. V'là la nuit, la vieille rentre ses sacs. Un autre mineur descendait vers Réquillart. Étienne s'éloigna avec lui. Et comme il passait devant la palissade, l'enfant les entendit parler de la forêt. On avait dû remettre le rendez-vous au lendemain, par crainte de ne pouvoir avertir en un jour tous les corons. Dites donc, murmura-t-il à ses deux camarades. « La grande machine est pour demain. Faut en être, hein? Nous filerons l'après-midi. » Et la route, enfin étant libre, il lança Bébert. « Hardi, tire sur la queue! Et méfie-toi, la vieille a son balai !» Heureusement, la nuit se faisait noire. Bébert, d'un bond, s'était pendu à la morue dont la ficelle cassa. Il prit sa course, en l'agitant comme un cerf-volant, suivi par les deux autres, galopant tous les trois. L'épicière, étonnée, sortit de sa boutique, sans comprendre, sans pouvoir distinguer ce troupeau qui se perdait dans les ténèbres. ces vauriens finissaient par être la terreur du pays. Ils l'avaient envahi peu à peu, ainsi qu'une horde sauvage. D'abord, ils s'étaient contentés du carreau du Voreux, se culbutant dans le stock de charbon, d'où ils sortaient pareils à des nègres, faisant des parties de cache-cache parmi la provision des bois, au travers de laquelle ils se perdaient, comme au fond d'une forêt vierge. Puis, ils avaient pris d'assaut le terri. Ils en descendaient sur leur derrière, les parties nues, bouillantes encore des incendies intérieurs. Ils se glissaient parmi les ronces des parties anciennes, cachés la journée entière, occupés à des petits jeux tranquilles de souris polissonnes. Et ils élargissaient toujours leur conquête, allaient se battre au sang dans les tas de briques, couraient les prés en mangeant sans pain toutes sortes d'herbes laiteuses, fouillaient les berges du canal pour prendre des poissons de vase qu'ils avalaient crus, et poussaient plus loin et voyageaient à des kilomètres jusqu'aux futaies de Vendaine, sous lesquelles ils se gorgeaient de fraises au printemps, de noisettes et de myrtilles en été. Bientôt, l'immense plaine leur avait appartenu. Mais ce qui les lançait ainsi, de Montsou à Marchiennes, sans cesse par les chemins, avec des yeux de jeune loup, c'était un besoin croissant de maraude. Jeanlin restait le capitaine de ces expéditions, jetant la troupe sur toutes les proies, ravageant les champs d'oignons, pillant les vergers, attaquant les étalages. Dans le pays, on accusait les mineurs en grève, on parlait d'une vaste bande organisée. Un jour même, il avait forcé Lydie à voler sa mère. Il s'était fait apporter par elle 2 douzaines de sucre d'orge que la Pierronne tenait dans un bocal sur une des planches de sa fenêtre. Et la petite, rouée de coups, ne l'avait pas trahi, tellement elle tremblait devant son autorité. Le pis était qu'il se taillait la part du lion. Bébert également devait lui remettre le butin, heureux si le capitaine ne le giflait pas pour garder tout. Depuis quelque temps, Jeanlin abusait. Il battait Lydie comme on bat une femme légitime, et il profitait de la crédulité de Bébert pour l'engager dans des aventures désagréables. Très amusé de faire tourner en bourrique ce gros garçon, plus fort que lui, qui l'aurait assommé d'un coup de poing. Il les méprisait tous les deux, les traitait en esclaves, leur racontait qu'il avait pour maîtresse une princesse, devant laquelle ils étaient indignes de se montrer. Et en effet, il y avait 8 jours qu'il disparaissait brusquement, au bout d'une rue, au tournant d'un sentier, n'importe où il se trouvait, après leur avoir ordonné, l'air terrible, de rentrer au coron. D'abord, il empochait le butin. Ce fut d'ailleurs ce qui arriva ce soir-là. « Donne !» dit-il en arrachant la morue des mains de son camarade lorsqu'ils s'arrêtèrent tous trois à un coude de la route près de Réquillart. Bébert protesta. « J'en veux, tu sais, c'est moi qui l'ai prise !»« Hein ? Quoi ? » cria-t-il. « T'en auras, si je t'en donne, et pas ce soir, bien sûr. Demain, s'il en reste. » Il bourra Lydie, il les planta l'un et l'autre sur la même ligne, comme des soldats au port d'armes. Puis, passant derrière eux, « Maintenant, vous allez rester là 5 minutes sans vous retourner. De Dieu, si vous vous retournez, il y aura des bêtes qui vous mangeront, et vous rentrerez ensuite tout droit. Et si Bébert touche à Lydie en chemin, je le saurai, je vous ficherai des claques. » Alors, il s'évanouit au fond de l'ombre, avec une telle légèreté qu'on n'entendit même pas le bruit de ses pieds nus. Les deux enfants demeurèrent immobiles durant les 5 minutes, sans regarder en arrière, par crainte de recevoir une gifle de l'invisible. Lentement, une grande affection était née entre eux dans leur commune terreur. Lui, toujours, songeait à la prendre, à la serrer très fort entre ses bras, comme il voyait faire aux autres. Et elle aussi aurait bien voulu, car ça l'aurait changé d'être ainsi caressée gentiment. Mais ni lui ni elle ne se seraient permis de désobéir. Quand ils s'en allèrent, bien que la nuit fût très noire, ils ne s'embrassèrent même pas. Ils marchèrent côte à côte, attendris et désespérés, certains que, s'ils se touchaient, Le capitaine, par derrière, leur allongerait des claques. Étienne, à la même heure, était entré à Réquillart. La veille, Mouquette l'avait supplié de revenir, et il revenait, honteux, pris d'un goût qu'il refusait de s'avouer pour cette fille qu'il adorait comme un Jésus. C'était d'ailleurs dans l'intention de rompre. Il la verrait, il lui expliquerait qu'elle ne devait plus le poursuivre à cause des camarades. On n'était guère à la joie, ça manquait d'honnêteté de se payer ainsi des douceurs quand le monde crevait de faim. Et ne l'ayant pas trouvée chez elle, il s'était décidé à l'attendre. Il guettait les ombres au passage. Sous le beffroi en ruine, l'ancien puits s'ouvrait, à demi obstrué. Une poutre, toute droite, où tenait un morceau de toiture, avait un profil de potence au-dessus du trou noir. Et dans le muraillement éclaté des margelles, deux arbres poussaient, un sorbier et un platane, qui semblaient grandir du fond de la terre. C'était un coin de sauvage abandon, l'entrée herbue et chevelue d'un gouffre, embarrassée de vieux bois, plantée de prunelliers et d'aubépines, que les fauvettes peuplaient de leurs nids au printemps. Voulant éviter de gros frais d'entretien, la compagnie, depuis 10 ans, se proposait de combler cette fosse morte. Mais elle attendait d'avoir installé au Voreux un ventilateur, car le foyer d'aérage des deux puits, qui communiquaient, se trouvait placé au pied de Réquillart, dont l'ancien goyau d'épuisement servait de cheminée. On s'était contenté de consolider le cuvelage du niveau par des étais placés en travers, barrant l'extraction, et on avait délaissé les galeries supérieures pour ne surveiller que la galerie du fond, dans laquelle flambait le fourneau d'enfer, l'énorme brasier de houille, au tirage si puissant que l'appel d'air faisait souffler le vent en tempête d'un bout à l'autre de la fosse voisine. Par prudence, afin qu'on pût monter et descendre encore, l'ordre était donné d'entretenir le goyau des échelles. Seulement, personne ne s'en occupait. Les échelles se pourrissaient d'humidité, des paliers s'étaient effondrés déjà. En haut, une grande ronce bouchait l'entrée du goyau. Et comme la première échelle avait perdu des échelons, il fallait, pour l'atteindre, se pendre à une racine du sorbier, puis se laisser tomber au petit bonheur, dans le noir. Étienne patientait, caché derrière un buisson, lorsqu'il entendit, parmi les branches, un long frôlement. Il crut à la fuite effrayée d'une couleuvre, mais la brusque lueur d'une allumette l'étonna, et il demeura stupéfait en reconnaissant Jeanlin qui allumait une chandelle et qui s'abîmait dans la terre. Une curiosité si vive le saisit qu'il s'approcha du trou. L'enfant avait disparu. Une lueur faible venait du deuxième palier. Il hésita un instant, puis se laissa rouler en se tenant aux racines, pensant faire le saut des 524 mètres que mesurait la fosse. Finit pourtant par sentir un échelon. Et il descendit doucement. Jeanlin n'avait rien dû entendre. Étienne voyait toujours, sous lui, la lumière s'enfoncer, tandis que l'ombre du petit, colossale et inquiétante, dansait avec le déhanchement de ses jambes infirmes. Il gambillait d'une adresse de singe à se rattraper des mains, des pieds et du menton quand des échelons manquaient. Les échelles de 7 mètres se succédaient, les unes solides encore, les autres branlantes, craquantes, près de se rompre. Les paliers étroits défilaient, verdis, pourris tellement qu'on marchait comme dans la mousse. Et à mesure qu'on descendait, la chaleur était suffocante, une chaleur de four qui venait du goyau de tirage, heureusement peu actif depuis la grève, car en temps de travail, lorsque le foyer mangeait ses 5 000 kilogrammes de houille par jour, on aurait pu se risquer là sans se rôtir le poil. « Quel nom de Dieu de crapaud !» jurait Étienne essoufflé. « Où diable va-t-il » 2 fois, il avait failli culbuter. Ses pieds glissaient sur le bois humide. Au moins, s'il avait eu une chandelle comme l'enfant. mais il se cognait à chaque minute. Il n'était guidé que par la lueur vague, fuyant sous lui. C'était bien la 20e échelle déjà, et la descente continuait. Alors il les compta. 21, 22, 23. Et il s'enfonçait toujours. Une cuisson ardente lui enflait la tête. Il croyait tomber dans une fournaise. Enfin, il arriva à un accrochage et il aperçut la chandelle qui filait au fond d'une galerie. 30 échelles, cela faisait 210 mètres environ. Est-ce qu'il va me promener longtemps ? Pensait-il. C'est pour sûr dans l'écurie qu'il se terre. Mais à gauche, la voie qui conduisait à l'écurie était barrée par un éboulement. Le voyage recommença, plus pénible et plus dangereux. Des chauves-souris effarées voletaient, se collaient à la voûte de l'accrochage. Il dut se hâter pour ne pas perdre de vue la lumière. Il se jeta dans la même galerie. Seulement, où l'enfant passait à l'aise avec sa souplesse de serpent, lui ne pouvait se glisser sans meurtrir ses membres. Cette galerie, comme toutes les anciennes voies, s'était resserrée, se resserrait encore chaque jour sous la continuelle poussée des terrains. Et il n'y avait plus à certaines places qu'un boyau qui devait finir par s'effacer lui-même. Dans ce travail d'étranglement, les bois éclatés, déchirés, devenaient un péril, menaçaient de lui scier la chair, de l'enfiler au passage, à la pointe de leurs échardes, aigus comme des épées. Il n'avançait qu'avec précaution, à genoux ou sur le ventre, tâtant l'ombre devant lui. Brusquement, une bande de rats le piétina, lui courut de la nuque aux pieds dans un galop de fuite. « Tonnerre de Dieu, y sommes-nous à la fin ? » gronda-t-il, les reins cassés, hors d'haleine. On y était. Au bout d'un kilomètre, le boyau s'élargissait. On tombait dans une partie de voie admirablement conservée. C'était le fond de l'ancienne voie de roulage, taillée à travers bancs, pareil à une grotte naturelle. Il avait dû s'arrêter. Il voyait de loin l'enfant qui venait de poser sa chandelle entre deux pierres et qui se mettait à l'aise, l'air tranquille et soulagé, en homme heureux de rentrer chez lui. Une installation complète changeait ce bout de galerie en une demeure confortable. Par terre, dans un coin, un amas de foin faisait une couche molle. Sur d'anciens bois, plantés en forme de table, il y avait de tout, du pain, des pommes, des litres de genièvre entamés. Une vraie caverne scélérate, du butin entassé depuis des semaines, même du butin inutile, du savon et du cirage, volé pour le plaisir du vol. Et le petit, tout seul au milieu de ses rapines, en jouissait en brigand égoïste. Dis donc, est-ce que tu te fous du monde ? Cria Étienne lorsqu'il eut soufflé un moment. Tu descends te goberger ici quand nous crevons de faim là-haut ? Jeanlin, atterré, tremblait. Mais, en reconnaissant le jeune homme, il se tranquillisa vite. Veux-tu dîner avec moi ? Finit-il par dire. Hein ? Un morceau de morue grillée ! Tu vas voir ! Il n'avait pas lâché sa morue. Et s'était mis à en gratter proprement l'échure de mouche avec un beau couteau neuf, un de ces petits couteaux poignards à manche d'os où sont inscrites des devises. Celui-ci portait le mot « amour » simplement. « Tu as un joli couteau !» fit remarquer Étienne. « C'est un cadeau de Lydie !» répondit Jeanlin, qui négligea d'ajouter que Lydie l'avait volé, sur son ordre, à un camelot de Montsou, devant le débit de la tête coupée. Puis, comme il grattait toujours, il ajouta d'un air fier. « N'est-ce pas qu'on est bien chez moi ? On a un peu plus chaud que là-haut, et ça sent joliment meilleur. » Étienne s'était assis, curieux de le faire causer. Il n'avait plus de colère. Un intérêt le prenait pour cette crapule d'enfant, si brave et si industrieux dans ses vices. Et en effet, il goûtait un bien-être au fond de ce trou. La chaleur n'y était plus trop forte, une température égale y régnait en dehors des saisons, d'une tiédeur de bain, pendant que le rude décembre gerçait sur la terre la peau des misérables. En vieillissant, les galeries s'épuraient des gaz nuisibles, tout le grisou était parti. On ne sentait là maintenant que l'odeur des anciens bois fermentés, une odeur subtile des terres comme aiguisée d'une pointe de girofle. Ces bois, du reste, devenaient amusants à voir, d'une pâleur jaunie de marbre, frangée de guipures blanchâtres, de végétation floconneuse, qui semblait les draper d'une passementerie de soie et de perles. D'autres se hérissaient de champignons. Et il y avait des vols de papillons blancs, des mouches et des araignées de neige, une population décolorée, à jamais ignorante du soleil. « Alors, tu n'as pas peur ?» demanda Étienne. Jeanlin le regarda, étonné. « Peur de quoi, puisque je suis tout seul ?» Mais la morue était grattée enfin. Il alluma un petit feu de bois, étala le brasier et la fit griller. Puis il coupa un pain en deux. C'était un régal terriblement salé, exquis tout de même pour des estomacs solides. Étienne avait accepté sa part. « Ça ne m'étonne plus si tu engraisses pendant que nous maigrissons tous. Sais-tu que ces cochons t'empifferaient ? Et les autres, tu n'y songes pas ? Tiens, pourquoi ? Les autres sont-ils trop bêtes ? D'ailleurs, tu as raison de te cacher, car si ton père apprenait que tu voles, il t'arrangerait. Avec ça que les bourgeois ne nous volent pas. C'est toi qui le dis toujours. Quand j'ai chipé ce pain chez Maigrat, c'était bien sûr un pain qu'il nous devait. » Le jeune homme se tut, la bouche pleine, troublée. Il le regardait, avec son museau, ses yeux verts, ses grandes oreilles, dans sa dégénérescence d'avorton à l'intelligence obscure et d'une ruse de sauvage, lentement repris par l'animalité ancienne. La mine qu'il avait faite venait de l'achever en lui cassant les jambes. « Et Lydie ?» demanda de nouveau Étienne. « Est-ce que tu l'amènes ici, des fois ?» Jeanlin eut un rire méprisant. « La petite ? Ah non, par exemple. Les femmes, ça bavarde. » Et il continuait à rire, plein d'un immense dédain pour Lydie et Bébert. Jamais on n'avait vu des enfants si cruches. L'idée qu'ils gobaient toutes ces bourdes et qu'ils s'en allaient les mains vides pendant qu'ils mangeaient la morue au chaud lui chatouillait les côtes d'aise. Puis il conclut, avec une gravité de petit philosophe. « Faut mieux être seul, on est toujours d'accord. » Étienne avait fini son pain. Il but une gorgée de genièvre. Un instant, il s'était demandé s'il n'allait pas mal reconnaître l'hospitalité de Jeanlin en le ramenant au jour par une oreille et en lui défendant de marauder davantage, sous la menace de tout dire à son père. Mais, en examinant cette retraite profonde, une idée le travaillait. Qui sait s'il n'en aurait pas besoin pour les camarades ou pour lui, dans le cas où les choses se gâteraient là-haut. Il fit jurer à l'enfant de ne pas découcher, comme il lui arrivait de le faire lorsqu'il s'oubliait dans son foin. Et prenant un bout de chandelle, il s'en alla le premier. Il le laissa ranger tranquillement son ménage. La mouquette se désespérait à l'attendre, assise sur une poutre malgré le grand froid. Quand elle l'aperçut, elle lui sauta au cou, et ce fut comme s'il lui enfonçait un couteau dans le cœur lorsqu'il lui dit sa volonté de ne plus la voir. « Mon Dieu, pourquoi ? Est-ce qu'elle ne l'aimait point assez ?» Craignant de succomber lui-même à l'envie d'entrer chez elle, il l'entraînait vers la route. Il lui expliquait, le plus doucement possible, qu'elle le compromettait aux yeux des camarades, qu'elle compromettait la cause de la politique. Elle s'étonna, qu'est-ce que ça pouvait faire à la politique ? Enfin, la pensée lui vint qu'il rougissait de la connaître. D'ailleurs, elle n'en était pas blessée, c'était tout naturel. Et elle lui offrit de recevoir une gifle devant le monde pour avoir l'air de rompre. mais il la reverrait, rien qu'une petite fois de temps à autre. Éperdument, elle le suppliait, elle jurait de se cacher, elle ne le garderait pas 5 minutes. Lui, très ému, refusait toujours. Il le fallait. Alors, en la quittant, il voulut au moins l'embrasser. Pas à pas, ils étaient arrivés aux premières maisons de Montsou, et ils se tenaient à plein bras, sous la lune large et ronde, lorsqu'une femme passa près d'eux, avec un brusque sursaut, comme si elle avait buté contre une pierre. « Qui est-ce ? » demanda Étienne inquiet. « C'est Catherine, » répondit la Mouquette. « Elle revient de Jean Bar. » La femme, maintenant, s'en allait, la tête basse, les jambes faibles, l'air très las. Et le jeune homme la regardait, désespéré d'avoir été vu par elle, le cœur crevé d'un remords sans cause. Est-ce qu'elle n'était pas avec un homme? Est-ce qu'elle ne l'avait pas fait souffrir de la même souffrance, là, sur ce chemin de Riquillard, lorsqu'elle s'était donnée à cet homme? Mais cela, malgré tout, le désolait de lui avoir rendu la pareille. « Veux-tu que je te dise ?» murmura la Mouquette en larmes, quand elle partit. « Et si tu ne veux pas de moi, c'est que tu en veux une autre !» Le lendemain, le temps fut superbe, un ciel clair de gelée, une de ces belles journées d'hiver où la terre dure sonne comme un cristal sous les pieds. Dès 1 heure, Jeanlin avait filé. Mais il dut attendre Bébert derrière l'église, et ils faillirent partir sans Lydie, que sa mère avait encore enfermée dans la cave. On venait de l'en faire sortir et de lui mettre au bras un panier en lui signifiant que, si elle ne le rapportait pas plein de pissenlits, on la renfermerait avec les rats pour la nuit entière. Aussi, prise de peur, voulait-elle tout de suite aller à la salade. Jeanlin l'en détourna. « On verrait plus tard. » Depuis longtemps, Pologne, la grosse lapine de Rasseneur, le tracassait. Il passait devant l'avantage lorsque, justement, la lapine sortit sur la route. Il la saisit d'un bond par les oreilles, la fourra dans le panier de la petite, et tous les trois galopèrent. On allait joliment s'amuser à la faire courir comme un chien jusqu'à la forêt. Mais ils s'arrêtèrent pour regarder Zacharie et Mouquet, qui, après avoir bu une chope avec 2 autres camarades, entamaient leur grande partie de crosse. L'enjeu était une casquette neuve et un foulard rouge déposés chez Rasseneur. Les 4 joueurs, 2 par 2, mirent au marchandage le premier tour, du Voreux à la ferme Payot, près de 3 kilomètres. Et ce fut Zacharie qui l'emporta. Il pariait en 7 coups, tandis que Mouquet en demandait 8. On avait posé la cholette, le petit œuf de buis, sur le pavé, une pointe en l'air. Tous tenaient leur crosse, le maillet au fer oblique, au long manche garni d'une ficelle fortement serrée. 2 heures sonnaient comme il partait. Zacharie, magistralement, pour son premier coup composé d'une série de 3, lança la cholette à plus de 400 mètres au travers des champs de betteraves. Car il était défendu de choler dans les villages et sur les routes, où l'on avait tué du monde. Mouquet, solide lui aussi, déchola d'un bras si rude que son coup unique ramena la bille de 150 mètres en arrière. Et la partie continua, un camp cholant, l'autre camp décholant, toujours au pas de course, les pieds meurtris par les arêtes gelées des terres de labour. D'abord, Jeanlin, Bébert et Lydie avaient galopé derrière les joueurs, enthousiasmé des grands coups. Puis l'idée de Pologne qu'il secouait dans le panier leur était revenue. Et, lâchant le jeu en pleine campagne, ils avaient sorti la lapine, curieux de voir si elle courait fort. Elle décampa. Ils se jetèrent derrière elle. Ce fut une chasse 1 heure, à toutes jambes, avec des crochets continuels, des hurlements pour l'effrayer, des grands bras ouverts et refermés sur le vide. Si elle n'avait pas eu un commencement de grossesse, jamais il ne l'aurait rattrapée. Comme il soufflait, des jurons leur firent tourner la tête. Ils venaient de retomber dans la partie de crosse. c'était Zacharie qui avait failli fendre le crâne de son frère. Les joueurs en étaient au quatrième tour. De la ferme Payot, ils avaient filé aux quatre chemins, puis des quatre chemins à Montoire. Et maintenant, ils allaient en six coups de Montoire auprès des vaches. Cela faisait 2 lieues et demie en 1 heure. Encore avait-il bu des chopes à l'estaminet Vincent et au débit des trois sages. Mouquet, cette fois, tenait la main. Il lui restait 2 coups à Cholet. Sa victoire était sûre. Lorsque Zacharie, qui usait de son droit en ricanant, déchola avec tant d'adresse que la cholette roula dans un fossé profond. Le partenaire de Mouquet ne put l'en sortir. Ce fut un désastre. Tous quatre criaient. La partie s'en passionna, car on était manche à manche. Il fallait recommencer. Du pré des vaches, il n'y avait pas 2 kilomètres à la pointe des herbes rousses. En 5 coups. Là-bas, il se rafraîchirait chez le renard. Mais Jeanlin avait une idée. Il les laissa partir, il sortit une ficelle de sa poche, qu'il lia à une patte de Pologne, la patte gauche de derrière. Et cela fut très amusant. La lapine courait devant les 3 galopins, tirant la cuisse, se déhanchant d'une si lamentable façon que jamais il n'avait tant ri. Ensuite, ils l'attachèrent par le cou pour qu'elle galopât. Et comme elle se fatiguait, il la traînait sur le ventre, sur le dos. Une vraie petite voiture. Ça durait depuis plus 1 heure. Elle râlait lorsqu'ils la rendirent vivement dans le panier, en entendant près du bois à Cruchot les chôleurs dont ils coupaient le jeu une fois encore. À présent, Zacharie, Mouquet et les 2 autres avalaient les kilomètres, sans autre repos que le temps de vider des chopes dans tous les cabarets qu'ils se donnaient pour but. Des herbes rousses, ils avaient filé à Buchy, puis à la Croix de Pierre, puis à Chamblay. La terre sonnait sous la débandade de leurs pieds, galopant sans relâche à la suite de la cholette qui rebondissait sur la glace. C'était un bon temps. On n'enfonçait pas. On ne courait que le risque de se casser les jambes. Dans l'air sec, les grands coups de crosse pétaient, pareils à des coups de feu. Les mains musculeuses serraient le manche ficelé, le corps entier se lançait, comme pour assommer un bœuf. Et cela pendant des heures, d'un bout à l'autre de la plaine, par-dessus les fossés, les haies, les talus des routes, les murs bas des enclos. Il fallait avoir de bons soufflets dans la poitrine et des charnières en fer dans les genoux. Les haveurs s'y dérouillaient de la mine avec passion. Il y avait des enragés de 25 ans qui faisaient 10 lieues. À 40, on ne cholait plus. On était trop lourd. 5 heures sonnèrent. Le crépuscule venait déjà. Encore un tour, jusqu'à la forêt de Vandame, pour décider qui gagnait la casquette et le foulard. Et Zacharie plaisantait avec son indifférence gouailleuse de la politique. Ce serait drôle de tomber là-bas au milieu des camarades. Quant à Jeanlin, depuis le départ du coron, il visait la forêt avec son air de battre les champs. D'un geste indigné, il menaça Lydie, qui, travaillée de remords et de craintes, parlait de retourner au Voreux cueillir ses pissenlits. Est-ce qu'ils allaient lâcher la Réunion? Lui voulait entendre ce que les vieux diraient. Il poussait Bébert. Il proposa d'égayer le bout de chemin jusqu'aux arbres en détachant Pologne et en la poursuivant à coups de cailloux. Son idée sourde était de la tuer. Une convoitise lui venait de l'emporter et de la manger au fond de son trou de réquillard. La lapine reprit sa course, le nez frisé, les oreilles rabattues. Une pierre lui pela le dos, une autre lui coupa la queue. Et malgré l'ombre croissante, elle y serait restée si les galopins n'avaient aperçu, au centre d'une clairière, Étienne et Maheu debout. Éperdument, ils se jetèrent sur la bête, la rentrèrent encore dans le panier. Presque à la même minute, Zacharie, Mouquet et les 2 autres, donnant le dernier coup de crosse, lançaient la cholette qui roula à quelques mètres de la clairière. Ils tombaient tous en plein rendez-vous. dans le pays entier, par les routes, par les sentiers de la plaine rase. C'était, depuis le crépuscule, un long acheminement, un ruissellement d'ombres silencieuses, filant isolées, s'en allant par groupes, vers les futaies violâtres de la forêt. Chaque coron se vidait. Les femmes et les enfants eux-mêmes partaient, comme pour une promenade, sous le grand ciel clair. Maintenant, les chemins devenaient obscurs. On ne distinguait plus cette foule en marche, qui se glissait au même but. On la sentait seulement, piétinante, confuse, emportée d'une seule âme. Entre les haies, parmi les buissons, il n'y avait qu'un frôlement léger, une vague rumeur des voix de la nuit. Monsieur Hennebeau, qui justement rentrait à cette heure, monté sur sa jument, prêtait l'oreille à ces bruits perdus. Il avait rencontré des couples, tout un lent défilé de promeneurs, par cette belle soirée d'hiver. Encore des galants qui allaient, la bouche sur la bouche, prendre du plaisir derrière les murs. N'était-ce pas là ces rencontres habituelles, des filles culbutées au fond de chaque fossé, des gueux se bourrant de la seule joie qui ne coûtait rien? Et ces imbéciles se plaignaient de la vie, lorsqu'ils avaient à pleine ventrée cet unique bonheur de s'aimer. Volontiers, il aurait crevé de faim comme eux, s'il avait pu recommencer l'existence avec une femme qui se serait donnée à lui sur des cailloux, de tous ses reins et de tout son cœur. Son malheur était sans consolation. Il enviait ces misérables. La tête basse, il rentrait, au pas ralenti de son cheval, désespéré par ces longs bruits perdus au fond de la campagne noire, et où il n'entendait que des baisers.